C'est un homme à la dérive. Personne ne sait ce qui le guide. Sur quel chemin ses sentiments profonds sont peut-être si tendus vers le ciel. Il ne croit plus en la réalité. Quand on perd ce qu'on aime, plus rien n'a d'importance. Se dire que bientôt tout ça sera fini. Soi et le reste, rien ne survivra. Alors à quoi bon regarder les reflets dans ce ciel qui tombe vers la nuit? Dessous les nuages, la lumière donne le rose. Et tout devient gris. Et n'est plus qu'une forme, sans ombre. Cet homme qui a cru être quelque chose d'important est au fond comme les autres, rien qu'un grain de matière qui se pose des questions sur l'existence. Être ici, y a-t-il une raison au fond, comme un animal? Un se tient grand et fort, puis attaqué par plus fort. Blessé, on se cache, soit pour guérir ou mourir. En attendant, refuser tout en bloc et donner le meilleur de soi. Mais ne pas se faire trop d'espoir. Continuer seulement, continuer. C'est un homme, un être. Et puis, c'est fini. Plus d'être.